Chapitre 5e. Les distractions de la journée me firent oublier mon épave, mais le soir, en la retrouvant dans ma poche, je me repris à l'examiner. Depuis quelque temps, il se glissait au milieu de ma satisfaction, je ne dirais pas un ennui, l'ennui et l'absence de désir, mais un malaise étrange dont mes 20 ans étaient sans doute la cause. Je sentais mon cœur élargi. Mes affections d'enfant n'en remplissaient plus qu'une partie. Il restait une grande place qui battait à vide, et c'était là ma souffrance. Peut-être Rodolphe, avec son éternelle question « Es-tu amoureux ?» et certaines confidences qu'il m'avait faites, avait-il éveillé en moi ce désir endormi ? Toujours est-il que, malgré l'indifférence que j'avais affectée devant lui, si je n'étais pas amoureux, je brûlais de le devenir. De 15 à 18 ans, je m'étais passionné pour ces belles héroïnes que les poètes ont parées de tant de grâce. Je me faisais le champion de toutes. Je ramenais le volage Thésée au pied de l'intéressante Ariane. Je poursuivais le pious Énéas pour venger sur lui l'infortuné Didon. Je me jetais devant les coups que le malencontreux Tancrède portait à la belle Clorinde, et assez naturellement la fière Amazone me préférait à lui. Ses rêves d'amour et ses amours de rêve m'avaient préservé des amourettes réelles. Mes 3 années de plus avaient passé sur mon front. Mes vaporeuses bien-aimées s'en étaient allées, ouvrant les ombres quand l'aurore les chasse de son éventail rose. Et il me tardait qu'elles fussent remplacées par une créature aussi charmante, aussi vertueuse, mais un peu moins éthérée. Cela fera-t-il comprendre comment je devins quasi amoureux en regardant cette Baptiste brodée? Je crains que non, mais c'est un fait, je le devins. Les plaisanteries que j'avais faites à Rodolphe, je les répétais, mais sérieusement. Pourquoi cette guirlande de pervenche ne sera-t-elle pas, etc., de cette Baptiste parfumée, etc. Toutefois, je ne cédais pas sans combat à un sentiment dont je comprenais l'extravagance. Je voulus le chasser. Je froissais l'étoffe ensorcelante, je la jetais dans un coin de mon armoire, en me promettant de n'y plus penser. Et l'instant d'après, j'allais la reprendre, je la déplissais, je la mis en presse dans mon dictionnaire, étonné de servir à pareil usage, et chose plus ridicule encore, je me mis à composer des vers à ce mouchoir. Tous mes concitoyens rimaillent, dans leur jeunesse au moins. On ne trouverait guère chez nous, même d'épicier qui n'est à la geôle des illusions, fait rimer Genève et Salève, telle et immortelle, patrie et chérie. Mais ce qui est bien sûr, c'est que jamais aucun d'eux n'a fait de vers sur un sujet aussi complètement dénué du patriotisme que cette fine étoffe qui me faisait m'écrier « Non, le lin à la fleur d'azur, par la brise bercée, n'a point donné le fil si pur dont je la vois tisser. Les elfes, sur les frais gazons, pour en faire ce voile, ont recueilli les doux rayons qui tombent de l'étoile. Une sorte de Titania, une fée aux mains blanches, sur ce tissu s'ingénia à broder des pervenches. » J'ai oublié la suite, mais la pièce était longue et, je l'avoue, fort ridicule. Si je l'eusse composée le matin, de sang-froid, j'en éprouverais encore à présent une honte véritable. Mais c'était le soir, un soir de juin, et il faisait clair de lune. Or, qui n'a pas été un peu extravagant par un de ces beaux soirs lumineux et parfumés, où il semble qu'on ait des ailes et qu'on plane bien haut, bien loin de notre petit monde ennuyeux et mesquin. Le soir, c'est l'heure des fées et des lutins. C'est l'heure où la raison s'endort, où l'imagination s'éveille. Il y a dans l'air une sorte de diablerie qui vous met hors de vous. Vous faites 1000 rêves, 1000 projets insensés que vous croyez réalisables. Rien ne semble impossible à ce moment-là. Mais quand vient le jour, adieu toutes les illusions. Le matin grave et tranquille les éclaire de sa lumière sérieuse. Nous rougissons alors de les voir si folles, et nous nous empressons nous-mêmes de les chasser, quitte à les évoquer de nouveau à l'heure propice. Et voilà pourquoi j'écrivis, avant de chercher le sommeil, cette extravagante poésie.